quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. La saison dans les différentes ligues de baseball s'achève ou est terminée dans certains cas. Question de savoir un peu si le baseball connaît une progression ici. On entend parler un peu partout à Montréal et à Québec qu'il y a une augmentation du membership. Est-ce que dans la région ça va bien? On parle avec le président de la Fédération de baseball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Bégin. Salut Éric! Oui, ça va bien, ça va bien. Éric, question, est-ce que le baseball, au niveau des inscriptions cette année, a progressé? Oui, je te dirais que par rapport à l'an passé, l'année passée, on avait 745 jeunes inscrits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette année, on parle de 795, donc une hausse de 50 jeunes. OK. Ouais. Mais est-ce que c'est est-ce que là on parle-tu de baseball, balle molle ou balle donnée, tout ce que tu voudras là, c'est strictement du baseball? OK. Mais Éric, on parle de baseball et de l'évolution. Est-ce que c'est sûr que du sport, c'est toujours cyclique, mais comment t'expliques ça, ce retour du baseball? Est-ce que le fait qu'on parle de plus en plus des expos, du retour du baseball, les Blue Jays qui graduellement commencent à remonter, les Capitals sont pas tellement loin, Robert Fatal qui a fait un travail colossal ici dans la région, ou toutes ses réponses? Ouais. Ouais. OK. Si on parlait un peu, justement, d'upgrader, c'est quoi? Ça veut dire, c'est nous envoyer une formation, peut-être avec la Fédération québécoise, c'est ça qui est arrivé un petit peu? Exactement. C'est un nouveau programme des entraîneurs. Ouais. Il y a des formations en ligne offertes par Baseball Canada, Baseball Québec. On a fait descendre depuis quelques années des formateurs. On a formé du monde en région aussi pour donner ces cours-là. Fait que je pense que tout ça fait que notre baseball est un baseball de qualité de plus en plus. OK. Est-ce que le fait que les voyageurs également ont maintenant une structure au niveau midget, c'était Robert Fatal qui a mis ça en place, ça l'a aidé beaucoup aussi midget, puis je pense que c'est même plus bon encore, là. Oui, on a notre midget 3A, on a le Bantam 2A. Là, cette année, il y avait eu des discussions pour peut-être un Pee-wee 2A. OK. Mais en fin de compte, le projet ne s'est pas concrétisé parce que la région de Québec, eux autres, il fallait rentrer dans la Ligue au complet ou pas en tout. Étant donné que nous, on n'était peut-être pas prêts à intégrer la Ligue, ben là, le projet ne s'est pas concrétisé. OK. Maintenant, si on parlait un peu, je pense qu'il y a une grosse fête en fin de semaine là, à Alma. Oui, exactement. À Alma, fin de semaine, je dirais qu'on va appeler ça nos finales, mais c'est la journée de clôture pour nos jeunes rallye 4, ce qu'on appelait avant notre petit bal, okay. Les 5, 6 et 7 ans. Chaque association, nos 5 associations régionales, Saint-Honoré, La Tarrière, Chicoutimi, Jonquière et Alma, c'est un rassemblement. Il y a des parties toute la journée. Chaque équipe va jouer 2 parties. Chaque jeune va recevoir une médaille, gagne ou perd. Okay. C'est vraiment un happening. C'est pour souligner un peu la fin de saison puis toutes les petites performances de ces jeunes-là. OK. Si on y allait maintenant avec les projets futurs, j'imagine qu'on veut pas arrêter notre élan. On a quand même une belle élan. Qu'est-ce qu'on peut, du côté de la Fédération de Saint-Jean, on prévoit faire? Plus de encore plus d'ateliers ou tout simplement aller dans la continuité? Ben, c'est sûr qu'on veut continuer sur notre lancée au niveau des inscriptions. Sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'on va poigner une stabilité aussi. Là, on est en augmentation constante depuis 5 ans. Le minimum, ça serait de garder nos jeunes. Ça, c'est un gros défi. Mm. Parce que cette année, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs de hockey qu'on est allé chercher. Ah, OK. Là, le défi, c'est de garder ces jeunes-là. C'est pas juste de dire, je l'ai essayé un an, là, je vais faire d'autres choses. OK. Je te dirais que le gros défi va être de continuer à former nos entraîneurs. Après ça, il y a une problématique régionale et provinciale. Nos arbitres, ils sont jeunes. On a de jeunes arbitres. Fait que dans le fond, il faut les former, il faut les encadrer. On n'a plus d'arbitres vétérans, là, comme il y avait peut-être 15-20 ans, où ce que c'était des papas et des grands-papas qui arbitraient. Là, on a de jeunes arbitres, il faut en prendre soin, il faut les former puis il faut les encadrer. Est-ce que c'est aussi pire qu'au hockey? Parce qu'un arbitre, ça reste un arbitre. Un hockey, c'est pas le fun, là. J'ai jamais arbitré, là, mais je me mets dans la peau d'un arbitre, là. L'arbitre, c'est toujours lui qui est coupable, qui a une défaite, puis il se fait crier dessus. On songe même à, je pense, j'ai déjà entendu dire de pénaliser peut-être l'équipe si jamais les partisans sont trop crie-toi après l'arbitre. C'est une solution qui est peut-être envisagée. Est-ce qu'au baseball, c'est l'arbitre se fait crier pas mal après? Je te dirais que on l'a vécu là, quelques cas dernièrement. Là, la semaine passée, c'était les séries et les mémoires. Certains entraîneurs, puis tout ça, de toute façon, c'est toujours les mêmes personnes, certains parents. Il faut pas oublier qu'un arbitre au baseball, au marbre, est impliqué à chaque lancé. Donc, à chaque lancé, il y a une personne qui peut se donner le droit de le critiquer, malheureusement. Fait que des fois, je trouve que oui, ça peut être pire qu'au hockey. Peut-être que la répercussion est peut-être différente qu'un but refusé ou un but accordé. Il ne faut pas oublier que le jeune il est impliqué dans chaque lancé quand il est en arrière du marbre. Oui, effectivement. Éric, évidemment, on est au haut du lac. C'est sûr que chaque fois quand je fais des entrevues régionales, j'essaie toujours d'emmener une petite sauce haut du lac. Tu me disais que tu as eu des discussions pour essayer que l'expansion se prolonge ici à Dolbeau, Normandin, Saint-Félicien, Roberval. Où s'en est rendu ça? Je te dirais qu'au début de l'année, on était en contact. Donc, quand on s'était parlé la première fois avec une personne du haut du lac qui avait pris des renseignements, qui avait manifesté de l'intérêt, mais sauf qu'on n'a pas eu, on a tout envoyé les informations nécessaires, on a envoyé des documents, mais on n'a pas eu de suivi là-dessus, on n'a pas eu de nouvelles non plus. Okay. L'an prochain, c'est sûr que nous, cet hiver, on va recontacter cette personne-là. Je sais que moi, au travail, j'ai un de mes copains qui reste à Saint-Félicien. Okay. Eux ont décollé un... Dans la petite ligue, hein? Une petite ligue rallye cap à Tombe. Je leur ai fourni des exercices, des entraînements. Mais tu sais, on aimerait ça peut-être pour la première année, au moins d'aller s'associer à l'association d'Alma, ces jeunes-là. Mais c'est sûr que cet hiver, on va essayer de développer notre haut du lac. Je pense qu'il y a un bassin de jeunes-là. C'est juste d'inculquer peut-être la mentalité de baseball. Dans le haut du lac, la mentalité est peut-être plus balle lente ou balle molle. Oui, c'est ça. Moi, ça a toujours été plus balle molle, balle lente, balle donnée. Tu donneras ce que tu voudras. Mais là, c'est deux fédérations totalement différentes. Là. On parle pas partout de la même affaire. Là. Non, exactement. Fait que c'est sûr que nous autres, on aimerait augmenter notre membership, on aimerait intégrer ces jeunes-là au baseball. Mais peut-être que pour la première année, s'il y, y a de l'intérêt, peut-être que d'aller s'associer à l'association, comme je te disais tantôt, d'Alma, serait peut-être une solution juste pour aller voir, regarde, on va aller voir c'est quoi. Si ça fonctionne, ben on va se décoller après ça. Ben, Éric Bégin, très intéressant. Gêne-toi pas, je sais qu'on est amis sur les médias sociaux. S'il y a quelque chose, on est là pour ça, pour évidemment de faire de la publicité aux organismes un petit peu. Bon, ben je te remercie beaucoup, Danny. Fait qu'Éric Bégin de la Fédération québécoise de baseball.